Welcome to French Pod, everyone. Today, we've got an intermediate lesson. It's called Saddle Up. My name is JP. Bonjour à tous, chers auditeurs. Je m'appelle Amaury. Salut, Amaury. Salut, JP. Donc, French Pod est basé en Chine. Oui. Les vélos, il y en a partout. That's right, there's a lot of bicycles here in China. C'est fou, hein? Mm-hmm. En selle. En selle, so it's like get on your bikes, it's like mount up or saddle up. Exactement, oui. Okay. Mais ce n'est pas le mot-clé pour cette leçon. Oh, what's the mot-clé then? What's the keyword? Alors, le mot-clé, c'est cadenas. Cadenas, this is the padlock, right? Oui, c'est la protection qu'on met sur le vélo pour éviter qu'il soit volé. Okay, very important. I have two on my bike. C'est qu'on a déjà volé ton vélo avant, non? No, actually, I've been lucky. A friend of mine told me, she says, you gotta have two. Oui, c'est vrai. Tu as totalement raison, JP. Il vaut mieux prévenir que guérir. Mm-hmm, that's right. An ounce of prevention is worth a pound of something. Oui. An ounce of prevention. Donc voilà, maintenant, on écoute tous ensemble le dialogue et on fait attention au mot-clé cadenas. C'est parti. Tout le monde est prêt? En selle. Attendez, mon pneu est à plat. Je crois qu'il est crevé. Depuis combien de temps tu n'as pas utilisé ton vélo? Je ne sais pas, c'est le vélo de mon grand-père. On m'a volé le mien la semaine dernière. Tu n'avais pas mis d'antivol? Si, mais ça n'est pas toujours suffisant. Ils ont cassé le cadenas. Au moins avec celui-là, tu n'as rien à craindre. Voilà, ce qu'il sous-entend ici, c'est que la fille n'a même pas besoin de cadenas, puisque ce vélo est tellement vieux. Nobody's gonna take it. Donc on reprend le début avec notre groupe de cyclistes, on dirait qu'ils se retrouvent, tu vois, le dimanche, right, pour aller faire un tour. Right, and the group leader is a dude, right? He's kind of making sure everybody's ready. He's trying to get everybody going. Il y a toujours une personne comme ça qui aime bien dire « Alors, tout le monde est prêt ?» Yeah. Et il dit « En selle », so this is « saddle up ». Voilà, il faut y aller. Et d'ailleurs, je voudrais faire un commentaire, on dit « en selle » en français également pour les chevaux. Ok. C'est exactement la même expression. I see, that's why the translation is « saddle up », right? Even though there's no saddle on a bike, it's a similar action. Malheureusement, cette pauvre fille a un problème, puisque son pneu est à plat. Oh no. So there's a couple of bike vocabulary words here. One of them is the word for tire. Pneu. Pneu. I look at that word and it doesn't look like French. Pneu. It's got a P and an N. Ouais. Donc la prononciation c'est pneu. Pneu. Okay, so you do have to pronounce them. And then to say that it's flat? À plat. À plat. Okay, mon pneu est à plat. Oui. Okay. Et pourquoi il est à plat? Elle dit, je crois qu'il est crevé. Okay, crevé, this would be something like burst, tu vois. Oh, okay, popped punctured. Open. Okay, all right. Now, usually when I say the word crevé, I'm talking about myself. I'm like, I'm so tired that I'm crevé. Tout à fait, on dit ça en français. Okay. Tu as tout à fait raison. All right. Mais on peut parler d'un pneu. Okay. Quand il y a un trou, et bien il est crevé. Oh, okay. Alors le meneur, le leader, il regarde le vélo de cette jeune fille. Right, he's trying to do some problem solving now. Et il lui demande, mais depuis combien de temps tu n'as pas utilisé ton vélo? Now this is a structure that gives my American students some problems in French. Depuis combien de temps? Since how much time? Or for how long? So how long have you not used your bike then? I think in English we would have phrased it differently. I think it would have been how long has it been since you've used your bike? Ouais. But in French you want to use this negative, since you've not used your bike. Ouais. So how long have you not used your bike? Depuis combien de temps? Et donc en disant cette question, il insinue que ce vélo est sûrement une antiquité. Et c'est ce qu'elle dit. Elle dit, je ne sais pas, c'est le vélo de mon grand-père. Wow. Et elle explique le problème. Elle dit, on m'a volé le mien la semaine dernière. Okay, so mine got stolen last week. Now the structure here is, on m'a volé le mien. Okay, so we're using this on, which sometimes means we, which sometimes means one. Here it means something, like maybe in English we'd say they, right? They stole it from me. It's ouais. Not the they that you can point at people, but it's the they as in like, I don't know who. Ou someone. Mm-hmm, someone, right. Someone has stolen the bike to me. You see that indirect object pronoun, me. On m'a volé, so that's me. That means it was taken from me. So someone has stolen from me mine, meaning my bike. Qui se traduit en français par le mien. On m'a volé le mien. Et quand? La semaine dernière. Mm-hmm. Donc c'est tout récent. Yeah, so she hasn't had time to go buy a new bike or non. Maybe to go look for the other bike. She's got to use granddad's bike. Et alors, première question qui lui vient à l'esprit, mais tu n'avais pas mis d'antivol? Okay, didn't you put the alarm on? Didn't you put on an alarm? So this is the verb mettre and it's actually in the plus que parfait. This is the plus perfect. And we know it's the plus perfect because you see the participe passé, which is me, and you see that it's with the imperfect of avoir. devoir. Tu avais mis, OK? Now, of course, it's in the negative, so it's tu n'avais pas mis. Oui. Plus que parfait. It just means, hadn't you put it on? Before it got stolen. Yeah, that plus que parfait is useful for talking about actions in the past that come before past actions. So the past action is the bike getting stolen, and the previous action is her putting on the lock. Oui. Right? Happened before then. So he's asking her if she used some anti-theft measures, right? Anti-vol. Oui. So that could be an alarm, that could be a lock, that voilà. Could be like a dog chained to it. Exactement. Alors, elle avait bien mis un anti-vol. Elle dit si. Si, this means oui, right? Oui. Well, it means yes. We say si when we're contradicting a negative question, okay? So didn't you put it? Yes, I did. That yes, I did is si. Mais elle rajoute, mais ça n'est pas toujours suffisant. Oh, it wasn't enough. Ils ont cassé le cadenas. Okay, there's our key word, le cadenas. Oui. Okay, and it's a great bicycle vocabulary word, cadenas. It means the lock. Exactement. So they broke it, right? Oui. They probably just cut through it with one of those big bolt cutters. Ouais. Snap. Son vélo a été volé. Mm-hmm. She's using granddad's now. Oui. Et donc le leader du groupe lui dit de ne pas s'inquiéter, puisqu'il dit, au moins, avec celui-là, tu n'as rien à craindre. Okay, so he's pointing to her old antique bike. Oui. And saying you have nothing to worry about. The expression is, can you say it one more time, Emily? Tu n'as rien à craindre. Okay, when somebody doesn't have anything to worry about, you can say tu n'as rien à craindre. Oui. Okay, craindre is fear. Voilà, exactement. Donc, on va reprendre ce dialogue et on reviendra juste après pour expliquer quelques points grammaticaux vraiment très intéressants dans cette leçon. Tout le monde est prêt ? En selle ! Attendez, mon pneu est à plat. Je crois qu'il est crevé. Depuis combien de temps tu n'as pas utilisé ton vélo ? Je ne sais pas, c'est le vélo de mon grand-père. On m'a volé le mien la semaine dernière. Tu n'avais pas mis d'antivol ? Si, mais ça n'est pas toujours suffisant. Ils ont cassé le cadenas. Au moins avec celui-là, tu n'as rien à craindre. Alors, on a vu quelques constructions vraiment intéressantes ici, JP. Mm-hmm. Donc, la première qui est « Depuis combien de temps ?» Okay. So, this « depuis » is a very versatile word. It means « since », right? And it could be followed up by a point in time, like I could say « since January ».« Depuis janvier ». Okay. Or I could say « since yesterday ». Depuis hier. Right. Or instead of a point in time, I can replace it with a length of time. So I might say for a year and a half. Depuis un an et demi. Okay. Now, when I use it with a point in time, I said since, right? Since January, since yesterday. But when I use it with a length of time, I say for, you know, for a year and a half. Comme c'est le cas ici, ouais. Right. Depuis combien de temps tu n'as pas utilisé ton vélo? Now, you'll often use depuis with a length of time. And here, technically, it's not a length of time, but it's a question about a length of time. Right. Anyway, you often use depuis with a length of time. Plus a negative question. For how long have you not done something? Voilà. Par exemple, je pourrais te poser, depuis combien de temps tu n'es pas allé au restaurant japonais? Okay, so how long has it been since you've gone to a Japanese restaurant? In French, it would be a negative. How long has it been since you haven't gone to a Japanese restaurant? Exactement. Okay, and it hasn't been long for me. I think it's only been 2 days. Okay. Okay, now you should know that if somebody asks you depuis combien de temps, usually the answer is depuis... And then you put a length of time, so... Voilà, dans l'exemple, la réponse serait depuis 2 jours. Okay, for 2 days. Right, it's been 2 days. Right. All right, and unfortunately, our girl couldn't answer that because she didn't know. Qui est la dernière personne à l'avoir utilisé? Elle ne peut pas répondre. Yeah, it could have been years. Yeah. Okay, Amaury, the other thing I want to point out is this on m'a volé le mien, so mine was stolen from me. So, you can use this on sometimes when you want to be the victim, when you want to say something happened to you, right? So, for example... Someone stole my bike. On m'a volé mon vélo. Okay. Or so you could say someone took my book. On m'a pris mon livre. Okay, you really sound like a victim. Right? Wait. This is something that happened to you. You didn't lose your book. Somebody took it. Mais vous ne savez pas qui c'est. Right. And that's the beauty of this pronoun on, right? It's not specific. Right. Voilà, une leçon riche en vocabulaire et en grammaire. Donc, si vous avez des questions, venez nous les poser. Nous sommes là pour y répondre. Merci beaucoup, JP, pour toutes ces explications. De rien, merci à toi. Je t'en prie. À très bientôt. À la prochaine. Salut.